précieux auditeurs, vous êtes bien sur la radio Jésus est Seigneur et c'est votre programme pour vous les francophones, pour que vous puissiez vous aussi recevoir le Seigneur quand il vient, vous préparer d'abord pour être prêt au moment où il vient. J'ai l'humble honneur aujourd'hui de vous présenter une autre partie du rôle du Saint-Esprit. Je voudrais aussi vous annoncer que le lendemain, du jour où le prophète le plus puissant du Seigneur, qui a préparé ceux de l'adoration, il les a préparés à chanter, louer le Seigneur de la bonne manière, tourner leur cœur vers le Seigneur, même prier. Il les a préparés. Et quand ils sont venus, là, les responsables de l'adoration, quand ils sont venus bénir l'assemblée de la part des deux prophètes les plus puissants du Seigneur, qui leur avaient annoncé, il y aura des guérisons. Et en effet, ce dimanche-là, un enfant infirme qui n'avait jamais marché s'est mis à marcher. Une dame aveugle qui avait mis des millions pour guérir ses yeux, elle s'est mise à voir. Et un dérangé mental qui est arrivé à l'église avec tout son bagage de détritus, qui avait des habits très sales, il est arrivé avec son baluchon de détritus. Eh bien, ce dérangé mental est revenu dans son bon sens. Et non seulement il est venu dans son bon sens, mais on l'a lavé et habillé proprement avec un beau soute tout neuf. Et il a laissé son paquet d'ordures. Il a reçu le Seigneur, ce jeune homme. Et il y a eu aussi ce témoignage de Thérésia. Ça, c'était du 28 avril, quand l'homme de Dieu a prié depuis sa résidence. Eh bien, il a décrété au Père puissant, il a dit, je lève ma main prophétique et je décrète maintenant, avec ma langue tranchante, je libère du feu de ma main prophétique, je décrète le puissant pouvoir de Dieu et libère les gens. Eh bien, la jambe de cet infirme de 23 ans a été libérée, fortifiée, vivifiée, et cette personne qui ne pouvait rien faire depuis la naissance, eh bien maintenant, elle peut utiliser ses mains, même charrier de l'eau, laisser ses béquilles. Combien le Seigneur est bon. Venons vite à notre message du Seigneur. C'est un message sur le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit. Ne tardons pas à entendre ce message merveilleux du Seigneur sur le rôle du Saint-Esprit. Isaiah chapter 6. Ésaïe chapitre 6. Again, the Holy Spirit does that. To expose, to teach, and reveal the holiness of God, the purity of God. À nouveau, le Saint-Esprit fait cela pour exposer, pour enseigner et révéler la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu. You see from Isaiah chapter 6 verse 1 on it says. Vous voyez d'Ésaïe chapitre 6 verset 1 et suivant, il dit. This is again amplified. In the year that King Uzzah died. L'année où le roi Uzza est mort, in a vision I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up. Dans une vision, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. And the skirts of his train filled the most holy part of the temple. Et les pans de sa robe remplissaient la partie la plus sainte du temple. Then he says, above him stood the seraphim, each have six wings, with two each covered his own face, and with two each covered his feet, and with two each flew. Et ensuite il dit, au-dessus de lui se tenaient des séraphins, chacun d'eux avait six ailes. Avec deux, chacun couvrait son propre visage. Et avec deux, chacun couvrait ses pieds. Et avec deux, chacun volait. Verse 3, Isaiah 6 says, verset 3 d'Isaïe 6 dit, and one cried to another and said, holy, holy, holy is the Lord of hosts. Et l'un criait à l'autre et disait, saint, saint, saint est le Seigneur des armées. The whole earth is full of his glory. Toute la terre est remplie de sa gloire. So again, the awesome holiness of the Lord is revealed here. Et donc, à nouveau, la sainteté impressionnante du Seigneur est révélée ici. And you see Isaiah here say, woe unto me. Et vous voyez, Esaïe ici dit, malheur à moi. For I am done. So in that way, he presents also the sinfulness of man. Parce que je suis fini. Aussi, de cette manière, il présente aussi l'iniquité de l'homme. And the holiness of God. Et la sainteté de Dieu. So you can see Isaiah here cannot stand when he sees the presence of God, the throne of God, the place of awe. Aussi, vous pouvez voir, Esaïe ici ne peut pas tenir quand il voit la présence de Dieu, le trône de Dieu. Where the Lord always takes me for instruction before the healing services. Où le Seigneur me prend toujours pour m'instruire avant le service de guérison. The awesome splendor of that throne. La splendeur impressionnante de ce trône. Alone reveals to you the purity of God, the holiness of God. Seul vous révèle la pureté de Dieu, la sainteté de Dieu. Then Isaiah says, look, unclean men, unholy men. So the Holy Spirit does this. Et ensuite, Esaïe dit, regardez, l'homme impur, l'homme qui n'est pas saint, aussi le Saint-Esprit le fait. He ministers to the hearts of men by exposing and presenting the sinfulness of sin. Il enseigne le cœur de l'homme en exposant et en présentant l'iniquité du péché. Sensitive to sin, sensitizing them to sin, presenting guilt to sin. Sensible au péché, les sensibilisant au péché, présentant la culpabilité du péché. Accountability to sin, judgment, reproof, exposing wickedness. Then he reveals the purity of God. That's what we are handling now. Péché qui est tenu en compte, le jugement, la réprobation, exposant la méchanceté. Ensuite, il révèle la pureté de Dieu. C'est ce que nous prenons en main maintenant. And in the face of the purity of God, mankind cannot survive. Et en face de la pureté de Dieu, le genre humain ne peut pas survivre. I'm using all this to drive you to one common denominator. J'utilise tout ça pour vous conduire à un dénominateur commun. One common objective, the final objective that the Holy Spirit brings to the church. Un objectif commun, l'objectif excellent que le Saint-Esprit amène à l'Église. That once he has convicted you of sin, exposed the guilt of sin, sensitized you to what is sin. Une fois qu'il vous a convaincu de péché, exposé la culpabilité du péché, qu'il vous a sensibilisé au péché, and then it showed you, taught you, ministered to you the judgment that sin beholds. Et ensuite, il vous montre, vous enseigne le jugement que le péché détient. The judgment that comes with sin, the consequence of sin. Le jugement qui vient avec les conséquences du péché. Exposing wickedness. Then now he reveals the purity. Exposant la méchanceté. Et ensuite maintenant, il révèle la pureté. The holiness of God on this other side. Just how holy God is. La sainteté de Dieu de cet autre côté. Juste combien Dieu est saint. And once you see that gap, et une fois que vous voyez cet écart, the sinfulness of man, l'iniquité de l'homme, and the awesome holiness of God, Isaiah says, no, mankind is so unholy, cannot stand before your throne, before your holy throne, Jehovah. Et la sainteté impressionnante de Dieu, Esaïe dit, non, le genre humain est si impur, il ne peut pas se tenir devant ton trône, devant ton saint trône, Jehovah. Then now the Holy Spirit does one thing. It has achieved one objective, the major objective for which he came. Et ensuite, maintenant, le Saint-Esprit marque une chose. Il atteint un objectif. L'objectif principal pour lequel il est venu. The need that mankind may see the need for a mediator. Leur besoin. Que le genre humain puisse voir son besoin d'un médiateur. For the Messiah, for the Savior, for the bridge. Besoin du médiateur, besoin du sauveur, besoin du pont. That now they may see the need for Christ Jesus and receive him. Que maintenant ils puissent voir leur besoin de Jésus-Christ et le reçoivent. And be born again. That is how the Holy Spirit does conduct the ministry. Et soit né de nouveau. C'est comme ça que le Saint-Esprit conduit le ministère. His ministry of conviction of sin, convicting mankind of sin, convicting this world of sin. Son ministère de conviction de péché, convaincre le genre humain de péché, convaincre ce monde de péché. So we see that he reveals the deadliness of sin. Donc vous voyez ça. Il révèle la mortalité du péché. Genesis chapter 2, 16, 17, remember, if you eat of this tree, Genèse chapitre 2, 16, 17, souvenez-vous, si vous mangez de cet arbre, of the knowledge of good and evil, you shall for sure die. On that day you shall for sure die. De la connaissance du bien et du mal, vous mourrez, c'est sûr. En ce jour, vous mourrez, c'est sûr. And death came, the deadliness of sin. Et la mort est venue. La mortalité du péché. But you see very clearly, mais vous voyez très clairement from the book of Genesis chapter 2, that the deadliness of sin is exposed there too. Dans le livre de la Genèse 2, la mortalité du péché est prônée là aussi. Genesis 39, Genèse 39, same thing, the deadliness of sin. La même chose, la mortalité du péché. That you may fear sin. Pour que vous puissiez craindre le péché. That you may run away from sin. Pour que vous puissiez fuir le péché. Genesis 39 verse 9, he says. Genèse 39 verset 9, il dit. Again, Genesis 39 9, he says. À nouveau, Genèse 39 9, il dit. He is not greater in this house than I am. Il n'est pas plus grand dans cette maison que je le suis. Nor has he kept anything from me except you. Et il ne m'a rien interdit, sauf vous. And then he says, for you are his wife. Car vous êtes sa femme. And the last part is very key. He says, how then can I do this great evil and sin against God? La dernière partie est très clé. Il dit, comment alors pourrais-je faire ce grand mal et pécher contre Dieu? So while Genesis 2, 16, 17 is exposing the consequences, if you do this, aussi, pendant que Genèse 2, 16, 17 expose les conséquences, disant, si tu fais cela, the deadliness of sin, if you do this, then you shall for sure die. Death came. La mortalité du péché, si tu fais cela, alors, sûrement, tu mourras. La mort est venue. When Adam and Eve fell, death came. But now look. Lorsque Adam et Ève sont tombés, la mort est venue. Mais maintenant, voyez. Genesis 39, verse 9. Genèse 39, verset 9. Also presents a very powerful picture of that. Aussi présente une image très puissante de cela. And it says, how? Et il dit, comment? How can I do this great sin? Comment pourrais-je faire ce grand péché? And sin against God. So once you know the deadliness of sin. Et pécher contre Dieu, donc. Lorsque vous connaissez la mortalité du péché, then the Holy Spirit will achieve his ministry, the objective of his purpose, his ministry. Alors, le Saint-Esprit atteindra son ministère, l'objectif de son but, son ministère. To sensitize you to sin. De vous sensibiliser au péché. That you may reject sin, having known the awesome holiness of your God. Que vous puissiez rejeter le péché, étant au courant de la sainteté impressionnante de votre Dieu. And that's why now, in that way, he's highlighting to the church that look. Et c'est pourquoi maintenant, de cette manière, il souligne pour l'Église que, regardez, ever since the fall in the garden of Eden, ever since Adam fell, the fall of Adam, depuis la chute dans le jardin d'Eden, depuis qu'Adam est tombé, la chute d'Adam. He says, now, after that fall, death came. And in Genesis 39 verse 9, I've just brought it in. Il dit, maintenant, après cette chute, la mort est venue. Et dans Genèse 39, 9, je l'ai juste amené to highlight you, to awaken you, pour vous éclairer, pour vous réveiller, to sensitize you, pour vous sensibiliser on the fact that aware of the awesome holiness of God, sur le fait que, au courant de la sainteté de Dieu, the Holy Spirit now achieves the duty, the role, le Saint-Esprit maintenant atteint le travail, le rôle of causing you to reject sin, causing you to fear sin, de vous amener à rejeter le péché, de vous amener à craindre le péché. How can I do this and dwell with my God? How can I do this? Comment pourrais-je faire cela et rester avec mon Dieu? Comment pourrais-je faire cela? And appear, still appear before Jehovah, the holy God of heaven, my creator. Et apparaître encore devant Jéhovah, le Dieu saint des cieux, mon créateur. Then we move now after creating that awareness of the deadliness of sin. Et nous allons plus loin maintenant, après avoir créé cette conscience de la mortalité du péché and the sinfulness of man and the awesome holiness of God. Et l'iniquité de l'homme et la sainteté impressionnante de Dieu. Then now the Holy Spirit causes man. Alors maintenant, le Saint-Esprit amène l'homme to definitely need, see that they need a Messiah. They need a Savior. À voir définitivement qu'ils ont besoin d'un Messie. Ils ont besoin d'un Sauveur. They now need a Savior. Maintenant, ils ont besoin d'un Sauveur. So Matthew 27, verse 50. Donc, Matthieu 27, verset 50. And it says, and Jesus cried again. Matthew 27:50. Et il dit, et Jésus a crié à nouveau. Matthieu 27:50. And Jesus cried again with a loud voice and gave up his spirit. Et Jésus a de nouveau crié d'une voix forte et il a rendu son esprit. Verse 51. At once the curtain of the sanctuary of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook and the rocks were split. Et voici, le rideau du sanctuaire, du temple, se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fondirent. Now, he makes you understand that you cannot enter the holiness of God, the awesome holiness of God. Maintenant, il vous fait comprendre que vous ne pouvez pas entrer dans la sainteté de Dieu, la sainteté impressionnante de Dieu. C'est le ministère du Saint-Esprit, le ministère de la conviction de péché. Vous ne pouvez pas entrer dans le Saint des Saints, vous ne pouvez pas entrer dans la présence de Dieu. And hence the need for a mediator. Now look, when the mediator comes, he now tears the curtain from top to bottom and admits the man, admits mankind. Et de là, le besoin d'un médiateur. Maintenant, voyez, lorsque le médiateur vient, maintenant il déchire le rideau du haut en bas et admet l'homme, admet le genre humain. So that is what the awareness, that is the awareness the Holy Spirit brings to mankind. Et c'est ce que la conscience, c'est la conscience que le Saint-Esprit amène à l'être humain. The need for the Messiah, the need for a Savior, the need for a Mediator. Le besoin du Messie, le besoin d'un Sauveur, le besoin d'un Médiateur. Hebrews chapter 4, I am focusing on this one ministry of the Holy Spirit. Hébreux chapitre 4, je me concentre sur ce ministère du Saint-Esprit. The ministry of conviction to sin, conviction of sin. Le ministère de la conviction de péché, conviction de péché. How he convicts of sin. Comment est-ce qu'il convainc de péché? How he causes mankind to be convicted to sin. Comment est-ce qu'il amène l'être humain à être convaincu de péché? And that is when now you are able to see the need. C'est lorsque maintenant vous êtes capable de voir le besoin. Mankind is able to see the need for a Messiah, for the Messiah, for the Savior to come. L'être humain est capable de voir le besoin d'un Messie, le besoin du Messie, que le Sauveur vienne. and redeem him. Et le rachète. Because he presents the deadliness of sin, the guilt to sin. He sensitizes you to know what is sin. Parce qu'il présente la mortalité du péché, la culpabilité du péché. Il nous rend sensibles à savoir ce qu'est le péché. Then the guilt to sin, we saw Romans chapter 6, verse 23. Ensuite, la culpabilité du péché. Nous avons vu Romains chapitre 6, verset 23. The of sin is death. Le salaire du péché, c'est la mort. And the judgment thereat. Et le jugement qui en suit. That you will not inherit the kingdom of God. Vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Ephesians 5, verse 5. Ephésiens 5, verset 5. And then I also read from Psalm 9, verse 17. Et ensuite, j'ai aussi lu du psaume 9, verset 17. The judgment going to Sheol, going to hell, the sinfulness of sin. Le jugement, aller au Sheol, aller en enfer. L'iniquité du péché. He exposes sin in the church. He reveals sin. Il expose le péché dans l'église. Il révèle le péché. And after exposing sin and revealing sin, et en exposant le péché et révélant le péché, then now he presents the purity of God, the awesome holiness of God. Et ensuite, maintenant, il présente la pureté de Dieu, la sainteté impressionnante de Dieu. The tremendous holiness of God. L'extraordinaire sainteté de Dieu. The unbearable holiness of God. La sainteté insupportable de Dieu. And Isaiah describes what it means for sinful man. Et Ésaïe décrit ce que ça signifie pour l'homme pécheur. Sinful man to come right before the holy throne of God. It is shocking. Pour l'homme pécheur. Venir juste devant le saint trône de Dieu, c'est choquant. Isaiah presents that. He presents the tremendous holiness of God. Ésaïe présente cela. Il présente la sainteté extraordinaire de Dieu. Just the awesome how holy God is, and then in light of that, how sinful man is, and hence. The need for a mediator. Juste l'impressionnant combien Dieu est saint. Et ensuite, il met en évidence combien l'homme est pécheur. Et de là, le besoin d'un médiateur. The Holy Spirit is now able to achieve that objective of bringing to man, delivering to man the need, that he needs a savior. Le Saint-Esprit est maintenant capable d'atteindre cet objectif, d'amener à l'homme le besoin. Il a besoin d'un sauveur. He needs a mediator. Il a besoin d'un médiateur. Hebrews chapter 4, verse 12, he says, Hébreux, chapitre 4, verset 12, il dit, For the word that God speaks is alive. For the word that God speaks, again, Hebrews chapter 4, verse 12. Car la parole que Dieu dit est vivante. Car la parole que Dieu dit, à nouveau, Hébreux, chapitre 4, verset 12. For the word that God speaks is alive and full of power. Car la parole que Dieu dit est vivante et pleine de pouvoir. Making it active, operative, energizing and effective. La rendant active, opérationnelle, énergisante et effective. It is sharper than any two-edged sword, penetrating to the dividing line of the breath of life, soul, and the immortal spirit, in brackets, and then spirit. This is amplified. Et les plus tranchantes que toute épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à la ligne de démarcation du souffle de vie, l'âme, et de l'esprit immortel, entre parenthèses, et l'esprit. And of joints and marrow, and of the deepest parts of our nature. Ainsi que des articulations et de la moelle osseuse, les parties les plus profondes de notre nature. Exposing and sifting and analyzing and judging the very thoughts and purposes of the heart. Exposing sin, revealing sin. Exposant et tamisant et analysant et jugeant les pensées mêmes et les buts du cœur. exposant le péché, révélant le péché. And then now, once he has revealed sin, and you have seen the need for a mediator. Et alors maintenant, une fois qu'il a révélé le péché et vous avez vu le besoin d'un médiateur. Now the book of Acts. If we turn to the book of Acts, chapter 17. Maintenant, le livre des Actes. Si vous tournez au livre des Actes, chapitre 17. The book of Acts, chapter 17. Acts 17. Le livre des Actes, chapitre 17. Acte 17. Chapter 17. It says this. Chapitre 17, il dit ceci. Le livre des Actes, chapitre 17, il dit du verset 30, seulement deux versets. 30 et 31. Maintenant, il a exposé l'iniquité du péché, en d'autres termes, l'iniquité de l'homme. And the awesome purity of God, the awesome lofty holiness of God. The dreadful holiness of God. Et la pureté impressionnante de Dieu, et la sainteté impressionnante et élevée de Dieu, la redoutable sainteté de Dieu, and have the need for a mediator. Et de là, le besoin d'un médiateur. Après cela, alors, maintenant, le livre des Actes, chapitre 17, 30 et 31, il dit, such former ages of ignorance, God, it is true, ignored and allowed to pass unnoticed. Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps d'ignorance, but now he charges all people everywhere to repent, to change their minds for the better, and heartily to amend their ways with abhorrence of their past sin. Mais maintenant, il charge tous les gens partout de se repentir, de changer d'avis pour le meilleur et d'amender de fond en comble leur façon de faire avec une horreur pour leur péché passé. You see now what the Holy Spirit targets. That is the final object, his objective in the ministry of conviction of sin. Vous voyez maintenant ce que vise le Saint-Esprit, c'est l'objet final, son objectif dans le ministère de la conviction de péché. That he may cause mankind now to repent, to say, okay, in the time of ignorance you were ignorant. Pour qu'il puisse amener le genre humain maintenant à se repentir, de dire, d'accord, dans le temps de l'ignorance, vous étiez ignorant. But now you know, I have sensitized you to what is sin. Mais maintenant, vous savez, je vous ai sensibilisé à ce qu'est le péché. The guilt to sin, the judgment of sin, the sinfulness of sin. La culpabilité du péché, le jugement du péché, l'iniquité du péché. And the holiness of God. And then now he demands a repentance. Et la sainteté de Dieu. Et alors maintenant, il demande la repentance. Verse 31, why? Because he has fixed a day when he will judge the world righteously, in brackets justly, by a man whom he has destined and appointed for this task. And he has made this credible and given conviction and assurance and evidence to everyone by raising him from the dead. That is the Messiah. Verset 31. Pourquoi? Parce qu'il a fixé le jour où il jugera le monde avec justice, entre parenthèses, tout à fait justement, par un homme qu'il a destiné et choisi pour cette tâche, et il a rendu cela crédible et a donné conviction et assurance et évidence à tous en le ressuscitant de la mort. C'est le Messie. So he's now bringing to your attention that there's going to be a day of judgment. Donc maintenant, il amène à votre attention qu'il va y avoir un jour de jugement. Therefore repent, that the Messiah is coming. Therefore repent. Donc repentez-vous, le Messie vient. Donc, repentez-vous. And that's why, in finishing, I want to read John chapter 6, verse 44. Et c'est pourquoi, en finissant, je désire lire Jean chapitre 6, verset 44. The ministry of the Holy Spirit. The ministry of conviction to sin. Conviction of sin. Le ministère du Saint-Esprit, le ministère de convaincre de péché, de la conviction de péché. That the ministry, the Holy Spirit, the ministry, the Holy Spirit executes in the church. Le ministère du Saint-Esprit, le ministère que le Saint-Esprit exécute dans l'Église. The ministry he does in the church of Christ. Le ministère qu'il remplit dans l'Église de Christ. Of convicting mankind globally on the earth to sin. De convaincre le genre humain mondialement sur terre de péché. Convicting them to sin, causing them to be aware of sin, its guilt, everything, judgment. Les convaincre de péché, les amener à être conscients de péché, s'il y a culpabilité, toute chose, jugement. And the holiness of God, the holiness requirement of God, the holiness of Yahweh. Et la sainteté de Dieu, l'exigence de sainteté de Dieu, la sainteté de Yahweh. John 6:44 he says, no one is able to come to me. Jean 6:44 il dit, personne n'est capable de venir à moi. Unless the Father who sent me attracts and draws him. Sauf si le Père qui m'a envoyé l'attire. And gives him the desire to come to me. And then I will raise him up from the dead at the last day. Et lui donne le désir de venir à moi. Et ensuite, je le ressusciterai de la mort le dernier jour. What does this mean? That means that the ministry of the Holy Spirit is very central in the framework, in the blueprint of the redemption, of the salvation of God that is sent to mankind. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le ministère du Saint-Esprit est très central dans le projet, dans le plan de rédemption du salut de Dieu qui est envoyé au genre humain. John chapter 6:44 here it says. Dans Jean 6:24 ici il dit. No one is able to come to him except God the Father has sent the Holy Spirit and convicted that person. Personne n'est en mesure de venir à lui sauf que Dieu le Père a envoyé le Saint-Esprit et a convaincu cette personne. Nobody is able to receive Christ Jesus as Lord and Savior, unless the Holy Spirit has come. Personne n'est capable de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sauf si le Saint-Esprit est venu. And done his ministry of conviction of sin, conviction to sin. Et a rempli son ministère de conviction de péché. That is when they will realize sin, the sinfulness of sin, the consequence of sin. C'est quand ils réaliseront le péché, l'iniquité du péché, les conséquences du péché, et la sainteté de Dieu et le besoin d'un médiateur et reçoivent Jésus. And again he says, no one is able to come to me unless the Father who sent me attracts and draws him and gives him the desire to come to me. Et à nouveau il dit, personne n'est capable de venir à moi sauf si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et lui donne le désir de venir à moi. Meaning without the ministry of the conviction of sin. Ce qui veut dire que sans le ministère de la conviction de péché, the ministry of the Holy Spirit convicting mankind of sin, nobody can receive Jesus. Le ministère du Saint-Esprit qui convainc le genre humain de péché, sans cela, personne ne peut recevoir Jésus. Nobody can receive the salvation of Christ. Personne ne peut recevoir le salut de Christ. So blessed people, receive the Lord Jesus. Be born again. Aussi, peuple béni, recevez le Seigneur Jésus. Soyez nés de nouveau. Because the Holy Spirit has now been poured out. Parce que le Saint-Esprit a été maintenant déversé. He is convicting men. Il convainc les hommes. You can see how his ministry across the nations. Vous pouvez voir comment son ministère à travers les nations. Using he that speaks with you. Utilisant celui qui parle avec vous. Pronouncing sin, rebuking sin, rejecting sin, highlighting sin. Pour annoncer le péché, réprimander le péché, rejeter le péché, mettre le péché en évidence. Sensitizing on sin and yet also announcing the holiness of God. Sensibiliser au péché et encore aussi annoncer la sainteté de Dieu. Receive Christ Jesus and be born again. Recevez Jésus-Christ et soyez nés de nouveau. The Messiah is coming. May the Lord bless you. Thank you, Toda Rabba. Le Messie vient. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. The Messiah is coming, blessed people. Le Messie vient, peuple béni. Thank you. Toda Shalom. Merci. Merci. La paix vous soit. Personne n'est en mesure de venir au Seigneur, sauf si le Saint-Esprit vient et remplit son ministère de convaincre cette personne de péché, de lui faire réaliser l'iniquité du péché, les conséquences du péché et la sainteté de Dieu et le besoin d'un médiateur. Personne ne peut venir à moi, à Jésus, sauf si le Père ne l'attire et lui donne le désir de venir à Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous donne ce désir. Voyez Ésaïe, cet homme de Dieu, quand il est devant le trône de Dieu, il réalise devant une telle sainteté, il réalise « Malheur à moi, je suis fini !» Il ne peut pas tenir devant la sainteté. Non seulement le Saint-Esprit nous rend sensibles au péché, nous commençons à le savoir. Oui, ceci est péché. Et il nous donne la culpabilité du péché. Le Saint-Esprit nous avertit du jugement. Il réprouve le péché. Il nous fait savoir que le péché est tenu en compte. Il y a une comptabilité aux cieux. C'est écrit dans le ciel, les livres. Nous sommes jugés selon nos œuvres, puis il révèle la pureté de Dieu. Et en face de la pureté de Dieu, l'être humain ne peut pas tenir. Il ne survit pas. Une fois qu'il vous a convaincu, culpabilisé, sensibilisé, il vous montre le jugement. Le jugement avec les conséquences et ensuite il révèle la pureté de Dieu. Combien Dieu est saint. Le genre humain est si impur, il ne peut pas tenir devant le saint trône de Jéhovah. Maintenant, le Saint-Esprit nous montre ce besoin d'un médiateur, un pont qui comble cet écart. Il nous fait voir notre besoin de Jésus, de le recevoir. Voyez, au jardin d'Éden, Dieu dit, « Si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. » Et Joseph, vous savez, Joseph en Égypte, qui était si malheureux, et pourtant on lui a donné un poste très important, il a une grande responsabilité. Et voilà, devant le péché, il dit, « Comment commettrai-je un acte aussi abominable et pécherai-je contre Dieu ?» Voyez cette crainte de Dieu qu'a Joseph devant sa situation. Comment commettrai-je un acte aussi abominable et pécherai-je contre Dieu ? Il s'enfuit, même s'il perd son manteau. Il s'enfuit, il ne veut pas pécher. Devant la sainteté impressionnante de Dieu, le Saint-Esprit nous amène à rejeter le péché, à craindre le péché. Comment est-ce que je pourrais faire cela et apparaître devant Dieu, le Dieu saint des cieux, mon Créateur? Devant cette situation, nous découvrons que nous avons besoin d'un sauveur. Le voile du temple qui se rompt depuis en haut, ça n'est pas l'homme qui l'a fait. C'était un miracle. Ce temple, ce voile qui se rompt, ce voile très épais et solide, parce qu'il séparait le saint des saints. L'homme ne pouvait pas y aller, sauf le souverain sacrificateur une fois par année, et il avait une corde. On pouvait le tirer dehors parce que il pouvait mourir. S'il n'était pas saint devant Dieu, il pouvait mourir. Alors, comme personne n'avait le droit d'y entrer sauf lui, on pouvait le tirer par cette corde s'il mourait là, dans ce saint des saints. Nous comprenons que nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu. Nous sommes pécheurs. Le Saint-Esprit nous convainc de pécher. Nous ne pouvons pas entrer dans le saint des saints, dans la présence de Dieu. Mais maintenant, quand le médiateur est venu, il rompt le voile. Le médiateur rompt le voile. Il enlève la séparation qui nous barre le chemin du lieu très saint et admet le genre humain. La parole nous le dit. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le jugement qui en suit, nous n'hériterons pas le royaume de Dieu, parce que l'homme est pécheur et que Dieu est tellement saint. Nous avons besoin d'un médiateur. Acte 17, les versets 30 à 31. La repentance, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice. Dieu a eu de la patience. Dans Acte 30, il dit, il a toléré l'ignorance. Mais maintenant, nous devons nous repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice. Dieu jugera le monde. Donc, repentons-nous, parce que hier soir encore, le Dieu Tout-Puissant nous a montré sa colère. Il nous a dit combien il était en colère devant tous ceux qui calomnient, tous ceux qui diffament le ministère de ces deux saints prophètes. Alors Dieu a montré sa colère, alors repentons-nous parce que nous allons échapper à cette colère si nous nous repentons, si nous choisissons de nous soumettre à notre Dieu. La gloire qu'ils ont est une combinaison, oui, parce que voilà maintenant la gloire que ces deux prophètes les plus puissants du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant leur a montré que cette gloire, cette onction qu'ils ont, c'est une combinaison de l'onction de la première église, parce que vous savez, cette première église modèle, l'église de où Pierre était, où Jacques était, où Marie, la mère de Jésus, était, eh bien cette première église, elle était ointe du Saint-Esprit. Et maintenant, il y a une dernière onction, et les deux prophètes du Seigneur ont la double onction. Cette onction du temps de Pierre, et cette nouvelle onction, la dernière onction, avant la venue du Messie. Que le Seigneur vous bénisse. Le temps passe. Nous allons adorer le Seigneur. Et maintenant, si le Saint-Esprit vous attire, si le Saint-Esprit vous dit de laisser le péché, de ne pas aller en enfer, de venir à Jésus, parce qu'il est le médiateur qui va vous amener à son Père céleste, alors préparez-vous. Nous allons adorer et ensuite vous pourrez vous venir au Seigneur Tout-Puissant. Nous allons adorer en disant que Dieu est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a produit, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle rose, foulé par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout. Les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a produit, par-dessus tout. Les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle rose. Foulé par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté. Par-dessus tout, le Dieu Tout-Puissant nous a aimés tellement pour nous donner Jésus. Jésus, pour que nous puissions nous être sauvés, nous aussi, voir notre Père Céleste face à face. Venons à ce cher Jésus. Priez avec moi. Cher Jésus, s'il te plaît, pardonne tous mes péchés. Je voudrais que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, le Dieu Tout-Puissant me fait passer des ténèbres dans sa glorieuse lumière. Je suis un enfant de Dieu, pourvu que je marche dans la lumière, que je revête ce vêtement de justice que Jésus m'a acquis pour marcher propre, rempli de l'Esprit de Dieu. Surtout, prenez le baptême, un baptême d'eau complètement immergé dans l'eau parce qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Et recevez le Saint-Esprit et le feu de Dieu pour vivre de lui. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'appelle Yvonne Auguet et je vous remercie d'être resté avec nous pour ce programme. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te détruire. Je veux n'être qu'à toi, Jésus.